ans que je suis dans le rap, je me suis pas surpassé. T'inquiète, je baisse les yeux si je vois ta soeur passer. Ça roule des joints tassés, histoire d'oublier le passé. J'ai trop le cœur cassé, j'oublie mon ex, je vais chasser. L'avenir du rap c'est moi, je vais tous les chlasser. Gros pétard feuille rasée, j'aime les belles femmes toutes rasées. T'as reconnu le phrasé, en buvette tout gazé. Je rêve d'une Angelina, de bouger, de me caser. Génération motherfuck, comme Horta dans subi l'époque. En direct de fond vert, je me réveille aux chambres d'époque. 2013, je vous choque, mala madre vous met en cloque. Arrête ton rap, c'est du toc, j'ai plein de fusées en stock. J'ai connu la galère, pas un pour aller voir une folle. Pas un pour mettre ma TN ou mettre bien un frère en tol. Pour mes cassos qui font cracher le jogging. Pour un reste sur la calash, I'm talking. Jewel of the King, MC monte sur le ring. Fais pas le show dans la boîte, ça va se finir sur le parking. Tu te fais doubler mes parkies. Home jacking, moto veskaki. En bruit, ça frappe comme Jackie. On veut le boule à chaque qui. Des millions, un paquebot. J'te vite faire ma craquer, alors avec moi, fais pas le beau. Liga One, c'est la base, tu sais qui c'est les winners. Balayer ton fait glisser à la petite Riner. Un dos videur, qui ça joue maintenant. J'suis faible comme chaque homme, j'me vais sous flash ou hachis. J'en check les filles sont cachées, veulent faire de nos vies du gâchis. Combien de potos cachos, tout seul en crise à attendre un repas chaud. Ce soir j'suis fâché, j'fais du sang anti-facho. À Salon de Lune, à Fleury, prison pourrie. Y'a de la haine qui se cache derrière le sourire. Fais pas de sourire sur toi, y'a tous les yeux de la cité. Respect à toi si t'as braqué par nécessité. Des couilles citées, pas un poteau qui se fait inciter. J'suis venu péter le rap, là j'suis venu le recycler. Ça lève en cyclo, charbonne même sous cyclone. Ça se contente pas d'un pétard, non ça gratte cyclope. Ça roule sans permis parce qu'au code de t'as fait si faute. J't'arrache ton jartel si devant moi tu tripotes. Tout a écalif là à mon épaule. Sur son manesse, la nouvelle école.